Tsouboul. Punaise, j'aime pas être dans cette situation, franchement. Ses cheveux tao est né d'un frère d'une sœur, c'est l'aîné. Ses yeux bruns verts colorés, silencieux telle île de Gorée. C'est le fruit d'un mélange exotique, d'une part asiatique et d'un autre en provenance de la péninsule arabique. Avec elle je suis bien, bien, tout mon être est sien, sien. Je lui appartiens, tiens, nous faisons plus qu'un, bien. Elle est mignonne, elle prend soin d'elle, elle me fait marrer, marrer. Et quand elle rigole, elle est vraiment belle, elle me rend tarée. Ses paupières étirées en longueur. Depuis longtemps maintenant on fait chavirer mon cœur. Ivre d'amour, quotidiennement bourré, vivre avec elle pour toujours. Elle veut que je désire exaucer. J'suis dans un dilemme. Je ne peux faire face dans cette impasse. Elle me tracasse à ses côtés. Ai-je ma place ou est-ce une farce? Su penser mes blessures du passé. Se llama Erika, viene de America. Su vida es la música, guitarra y armonica. Vale, unique en son genre, elle me laisse songeur. Je pourrais la contempler, jouer cela pendant des heures. Sa beauté est singulière et me donne le ok. Son allure, celle d'une guerrière, ma princesse Mononoke. Notre rencontre un jour d'été sur le chemin du campus. Son regard était plein de vie comme celui de Nat. À chacun bouche, même si parfois je la saoule ou je lui fais perdre la boule. Je sais qu'au plus profond d'elle, elle sait que je suis un mec cool. Mais j'ai un gros problème, suis-je dans un dilemme? Je confirme, j'ai un problème, je suis dans un dilemme. J'suis dans un dilemme. Se mettre eux-mêmes face à des choix et des problèmes. Et c'est pareil pour la gente féminine, quoi. Je crois pas que tu me suis là, mais beaucoup de gens jouent avec les sentiments amoureux. Et c'est pas ça, tu vois. L'amour est patient, il rend service. Il est pas jaloux, il se vante pas, il se gonfle pas d'orgueil, quoi. L'amour, il excuse, il espère, il supporte tout, quoi. Chipote pas, fais le bon choix. Lady, fais le bon choix aussi. C'est là que tu seras prête à accueillir l'amour. Yeshua, one love. J'ai...